ce son c'est pour les gars des blocs en mode alerte quand y'a pas de salaire. Je tente d'avancer sur droit chemin malgré les coups de crasse. Je veux faire partie du bon wagon mais y'a pas beaucoup de place. Ce son c'est pour ceux qui depuis toujours croient en moi, ceux qui savent que j'ai foi en ça, que je rapperai même avec un bras en moins. Obligé de réussir quand y'a pas d'autre alternative. Quand les soucis s'alternent et poussent à terre, faut que les affaires s'activent. Ce son c'est pour mes adversaires qui ne savent que haïr. Pour la maïs sont prêts à tout et font tout pour te trahir. Toujours debout malgré les coups de poignard dans le dos. Toujours dans le doute, on n'a pas la vie de Brandon ou de Marlon Brando. C'est pour les parents présents malgré les conditions. On te ramène à la raison mais s'incline devant le manque d'ambition. C'est pour ceux qui par manque de chance partent en dérive. Ce son c'est pour toi Blanco à cause des savants dérives. Ce son c'est pour mon entourage présent pour m'épauler. Ceux qui m'encouragent, qui me donnent la rage pour décoller. Ce son c'est pour ceux qui respectent quand tu bosses dur. Ceux qui restent prêts et têtes quand t'es en mauvaise posture. Ce son c'est pour mon entourage présent pour m'épauler. Ceux qui m'encouragent, qui me donnent la rage pour décoller. Ce son c'est pour ceux qui respectent quand tu poses dur. Ceux qui restent prêts et têtes quand t'es en mauvaise posture. Ce son c'est pour les gars qui restent sages mais qui se baladent armés. Sur qui le sort c'est acharné pour ceux qui ont du mal à charmer. Mon gars n'écoute pas ça si t'es pas de ceux qui m'aiment. De ceux qui mènent au score c'est clair. T'es de ceux qui merdent si t'es pas de ceux qui m'aident. Ce son c'est pour les West Indies et toute la familia. Pour tous les mecs qui disent que Carnatude luttait à Massilia. Qui dorment dehors ou en prison, qu'attendent la liberté. Tu parles de quoi, moi, ceux qui ont pas de toi depuis la puberté. Pour ceux qui ont perdu des proches, des moments délicats. Qui pendant toute leur vie s'accrochent pour eux une spéciale dédicace. C'est pour les gens chiens qui passent des nuits sur un palier. Ivre et mal de vivre et vers de sky comme meilleur allié. C'est pour ceux qui gardent leur sang-froid dans un dialogue de sourds. Je te dirais pas sans foi pour un ta gueule, je démarre au quart de tour. Ce son c'est pour toutes les grandes gueules qui m'ont sous-estimé. Présent ou absent dans mon cœur, c'est à toi que ce son est destiné. Ce son c'est pour mon entourage présent pour m'épauler. Ceux qui m'encouragent, qui me donnent la rage pour décoller. Ce son c'est pour ceux qui respectent quand tu bosses dur. Ceux qui restent prêts et têtes quand t'es en mauvaise posture. Ce son c'est pour mon entourage présent pour m'épauler. Ceux qui m'encouragent, qui me donnent la rage pour décoller. Ce son c'est pour ceux qui respectent quand tu bosses dur. Ceux qui restent prêts et têtes quand t'es en mauvaise posture. Je remercie mes deux bijoux qui m'ont bercé. Je rappe pour la chair de ma chère, mon frère que j'ai élevé. J'écris toujours avec mon cœur et des larmes de sang. J'avance toujours sans peur pour ma voix embrasser marque le sang. Je dédicace chaque couplet pour mes ennemis. Me donne la force de continuer et de repousser mes limites. Aucune critique mérite, chacun de mes lyrics milite. J'ai dû prendre des baffes pour avancer vers des sacrifices lyriques. Je remercie Candy, Rafik et DJ Miss. Vous êtes sur mes épaules avec l'amour comme ligne directrice. Je représente tous ces gens qui ont boycotté la guerre. J'explose mes cordes vocales pour tous ces hommes qui ont honoré la paix. Je rappe pour ceux qui ont refusé de se faire usurper. Pour tous les enfants des pays de la Turquie à l'Uruguay. Ce son c'est pour les femmes qui ont un sourire unique. J'emmerde le rap, ce son c'est tout d'abord pour ma musique. Ce son c'est pour mon entourage présent pour m'épauler. Ceux qui m'encouragent, qui me donnent la rage pour décoller. Ce son c'est pour ceux qui respectent quand tu bosses dur. Ceux qui restent prêts et têtes quand t'es en mauvaise posture. Ce son c'est pour mon entourage présent pour m'épauler. Ceux qui m'encouragent, qui me donnent la rage pour décoller. Ce son c'est pour ceux qui respectent quand tu bosses dur. Ceux qui restent prêts et têtes quand t'es en mauvaise posture. Ma musique, ce son c'est qui est la vôtre. On rappe avec la joie, et on rappe avec nos tristesses, on rappe avec nos larmes, et on rappe avec un sourire, avec le cœur, avec l'esprit, avec la mentalité. Rap musique.